Dormir à l'abri. Certains animaux dorment dans les arbres. Certains animaux dorment dans l'herbe. Certains animaux dorment sous la terre. Voici un lit de chimpanzé. C'est un nid. Ce nid est dans un arbre. Voici comment le chimpanzé fait son nid. Il met des branches. Il met des feuilles. Le nid est un bon endroit où dormir. Le chimpanzé est à l'abri. Voici un lit de souris. C'est aussi un nid. Ce nid est dans l'herbe. Voici comment la souris fait son nid. Elle met de l'herbe. Elle met des plumes et des feuilles. Le nid est un bon endroit où dormir. La souris est à l'abri. Voici un lit de renard. C'est une tanière. Cette tanière est sous la terre. Voici comment le renard fait sa tanière. Il fait un trou dans le sol. Il fait sa chambre. La tanière est un bon endroit où dormir. Le renard est à l'abri.